Ah, Milina Ngonde. Et Kim Sabiso, que j'espère. Rien. Ah, ok. Voilà. Et toi là-bas, quoi. Donc, cigarette, bah, fuma Rayango, mais lui, il a mangé ça. Moi, je sais que non, cigarette, bah, fuma ka. Et lui, il a mangé ça, allumé, et puis, a tué Rayango dans mon emploi, alors t'as fuma. Là, bon, je suis là, ma belle, bien aimé, pour manger mon amour. Donc, j'ai la démonstration, oh, tu vas assister, tu vas là, tu vas au monde. Je profite pour dire saluer toutes ces personnes qui me suivent en l'instant. S'il vous plaît, pour l'inviter. Voilà. Bien à vous, tout le monde. Un billet de $100. Un billet de $100. Voilà. Nous avons été locataires pour monnaie dans un surplus, dans un carte plateau. On a déplacé. La salle où il s'est engagé, qui est dans la salle de la cire, qui est en York. Et où tu vois psychonyoka, et où tu vois tout ça dans mon nez bimé là dans non tout ça dans yo bambon biso to zoka la carte ba banque la biso parce que tout ça ba politiciens na biso bazo zo mbongo ya makasi mais bazo ko kosunga population ti donc ça sali pour vous ça dans banque la banque banque ba banque normalement to bomba bambon bien mais banque to ka business to bomba là banque to ka business to bomba là. Mais il manque $100 dans la banque. Il manque $100 dans la banque. Il manque $100 dans la banque. Il manque $100 dans la banque. Il manque Bon, malgré que ngana côté ngana ndimla ba j'hésite hein. Moi je crois beaucoup à Simo Kimbangu parce que ngana za muto ya mwindo. Ngana za mwindo. Donc Simo Kimbangu yende mutasala ba miracle oyoyo lelo oyo ngana yi place ba miracle wane za ofu mu Kimbangu ya sala. Voilà. Mais o Jésus sala ngana tika na komona ote c'est pour cela que na kwa ka mingi na yete. Tikoyo ndeti ba ba toyo travailler na bango. Ba résultat nini ba nini bango ba lobby na yo ba résultat nini peut-être bango ba zwa na oyo peut-être ba yena et lo kana na liboso et to botala na miracle oyo salamaki ya le 28 octobre miracle oyo salamaki le 29 octobre na miracle oyo salamaka le 30 octobre donc nazalaki konti na kati ya musicien na biso boye bien monene oyo a contacta ngai pona makambo ya stade des martyrs le moment monene ba miracle oyo salamaki na kati ya stade des martyrs to bloquer quand même bon. Parce que mbula oyoyo il n'a pas samedi, il y a un pas vendredi. Ok. Oyo le mec qui n'a vendredi samedi, tout pour ça qu'il y a un dimanche. Ok. J'espère que bien parti c'est comme je te salue mon vieux vie de loin. En tout cas, merci mon vieux. Donc, la zone de la partie c'est comédie ou bayaka. Yom to simbae. Partie c'est comédie ou bayaka. Bah, musicien, peut pas si ma fille est loin. Bon, Naza, je te salue en tout cas. Okay. Je te salue à passant. Mm. Naza, Nakata Kinshasa, j'espère si bien élevé. Tout le monde en a avant qu'il gagne à son amour. Pour moi, avant de regarder la nuit. Pour moi, les préférences, dans le cimetière, qu'il y a là l'église. Dans le l'église, pour le gagner. Dans le là cimetière. Parce que, ah, naïe. Vas-y, vas-y. Ah, serpent. Fait appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous n'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capable de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Ça nous arrive aussi, mesdames et messieurs, il y a ça là vraiment de placement à Okindo, vraiment loin à Okindo aussi. Parce que quand on s'est dit journaliste d'investigation, nous devons au moins arriver sur place, sur le terrain, pour la vérifier de certaines informations de Yopakanabasango. Musika Moussouba, quoi Moussouso Yamboka au Congo démocratique. Parce que notre république, la 4 écoles à Yango Nyonso, ce n'est pas vraiment de loi à voir. Pour la parcourir. RDC Mobimba, tous les quatre coins RDC, et ça vraiment est loco, il y a Moukete. Et aujourd'hui, merci beaucoup parce qu'on a fait l'effort, et on s'est déplacé à Kinshasa pour n'avoir qu'un des mois, Moussika, pour découvrir Bamakamoussou, peut-être être ignorant qu'à vous, et d'ambition peut-être être ignorant qu'à Yango, mais on est autre monde qui. Importance na yango ya kokende vraiment ko découvrir. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision pour nous suivre. Merci de vous abonner aussi. Vous êtes sur Toute Info, la chaîne de valeur. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance que vous nous renouvelez de temps à autre. Les amis, vraiment, ça nous va droit au cœur. Raison pour laquelle ça nous donne encore la force de travailler. Makasi koleka parce que tout le monde toujours qu'ils ont autre ça les lieux et les cas autre ça là qui lobby parce que les jours au jour tout ça là qu'il faut y avoir amélioré. Il nous a assisté aujourd'hui, il s'appelle le bien-aimé Mutombo, le dernier fils à Canal Mercure Télévision. Merci de nous assister, mesdames et messieurs. Tobé t'as vraiment l'issu. La bandière t'es l'issu, notre Tobé t'as l'issu à la vraiment très très important. Il vous a l'air plus intéressant pour la bisoupe pour la bino. Mais là on a bisoupe bino qui est aussi déplacé pour la moi Musika Koya Nandiela et Congo Central. On a bisoupe bandier qu'on a ramené sur bord la bisoupe. Mais on a vu ça, il y a Congo Central, oh il y a beaucoup de poteaux, tous les quatre points, Bozali n'a plus besoin de m'embêter parce que vous avez vu ça, que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Mais là, Bozali, il y a que découvrir, n'abîmons ensemble ni les alpes ni les caramings mingi na Congo Central concernant ma cambo, ma spiritualité. Spiritualité, Zali n'a pas de domaine et Zali, pardon, n'a pas de dimension et belé. Spiritualité, quand on parle de la spiritualité, il y a quatre églises, ils ont la spiritualité. Il y a quatre loges, ils ont la spiritualité. Il y a quatre temples, ils ont la spiritualité. Donc, un peu partout, tu retrouveras la spiritualité et très surtout, mon tout ce spiritualité, naïoté, c'est quelque chose un peu très dangereux pour nous. Il est avec nous, c'est notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Serpent, Maître Serpent. Azali, maître spirituel, Naï, toujours vraiment comme bêta mentionné. Il y a quoi autre, Azali, pour vous découvrir? Il est avec moi. Mais bonjour, Bonnet. Oui, bonjour, bonjour, le grand journaliste. Le grand journaliste, Naï, il te sent bien, Naï, il te prend la vie. Oui, bisous, pour Azali, pour Sunga. Bonne santé, bonne Moussala. En tout cas, dans Goulan, dans ma coco, Moussala, vous êtes malamou, Niaché, dans ma maman, on a poussé sur les deux sons. Et puis, nous, on va pas vous appeler sur la vie. Voilà, nini ko bakoko ba pesi biso mokili mo ba ko la biso peut-être ngai présentation na ngai pa na biso ki peut-être mo mku c'est est-ce que ko ko expliquer biso comment na yonani osa nani osa la nani pour permettre déjà ba ba ko la biso ba za na idée de ce que nous voulons faire maintenant. Oui, donc ngai kombo maître serpent. Serpent na vandi awa ndenge bino mo yeza na kata kundi yeza na frontière Congo Brazzaville contre Congo Kinshasa. OK. OK, bon nous nous sika Kinshasa pour na roya awa c'est que sangolé mu kitambo liké faut beaucoup dans la serpent. Ya ko pousser na za maître spirituel, na za na ba domaine ko itanga miki ya science ya kosala, donc na iko na la sacré de quoi je suis capable pe ya kosunga, ba tonyo surtout ba lekale ka côté nous sur la santé au serpent. Voilà, Ndeko, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner une information que peut-être avant que vous ayez un peu de temps, vous avez un peu de spirituel. Est-ce que les lots réellement, Moutou, à côté de la télévision, pas le mythe à mettre un spirituel. Donc, quand vous avez un peu de temps, spiritualité, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Bon, spiritualité, les alli et l'eau, Oyo, nous avons un peu de temps. Okay. Mais l'initiation, il y a un peu de temps pour être fort dans la spiritualité. Nous avons un élève qui a assisté à la formation et bien à la télé, à la télé, à la télé, à la télé, à la dignité, à la télé, à la télé, à la télé. Voilà. Il y a un peu de temps pour être un peu de temps pour être un élève. Pourquoi il y a un peu de temps? Quand il y a déjà un temps pour être un peu de temps pour continuer à être un peu de temps. Comme que vous avez déjà fait rendre la visite, voilà, vous avez déjà fait la télé, vous avez déjà fait la télé, vous avez déjà fait la serpent, vous avez déjà fait la déjà la chaîne, vous avez déjà fait la télé, vous avez déjà fait la confiance, vous avez déjà fait la télé, vous avez déjà fait la télé. Mais est-ce que vous avez pouvoir ou bien vous avez questionné le temple, vous avez déjà temple, vous avez déjà fait le temple? Vous avez déjà la reine et Kachaka, vous avez déjà pouvoir dans la Katia et Bali, vous avez déjà fait la télé. De la reine après ngai mwana na ye donc ngana bandi mystère ngana page de gerb mwana koko oya boti papa na biso ya za chef kotimi na niveau mama nyanga na luozi donc yeri mtalo baka ki vo mwana me uti di mwana ya yakala ka feti 6 sabi mbia wonso no mon ya sala kun 6 sila kalendi yo sala ikuenda ko mti yetu ya bafwa kiza ina di makat ya mo papa tala ki kete ngolo bani ni lingolo bani me ka pe ko tu ngo koko oya boti papa na biso ala baki bien. Le dernier pouvoir on a fait ça yo papa moi nananga on a fait ça yo moi nananga pouvoir yo pi ceux qui ont moniqué au colis faut que lukani oti kayango na moi na oyo bota négocier mobile donc tout comme nga comme nazi moi na négocier mobile na bota ya ngono va pesa ki ngai pouvoir wa parce que nga papa za chef continuer niveau ya colis. OK donc ezali eloko o ezali na ko bien ngoni ancestral na kata famille na biso je soki ngai peut-être ken na ningina na colis na ningina tika mystère. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire partir. Les gens ne sont déjà mystères. Ils ont déjà travaillé déjà match, ils travaillé déjà monter à ma camionnette, moi aussi. Ils ont déjà mystères. Voilà, merci beaucoup. C'est parlant de te suivre vraiment. Nengeni Tokofungula, chant comme il faut. Alors, Maître Serpent, spiritualité, vous allez spécialiser. Nanini nini oyo salaka souvent mingo vous allez spécialiser na eloko soit na makambo mingi. Bon, ils appellent nous tout na moko ya bien. Mono wa ou des sciences ça de langue. Loko la ke ngai na sa la ka des mania science. Ouais. Na sa la ka 999, na sa la ka 666. Ah bon? 666 kuna to za la ba porter na 666 za ba porter monnaie magique. Moto azali ke peut-être azala pays étranger avant pour sa zone na moka na yi. Mais a okokate poni ni ke a bizarre déjà confiance na kata moka. Mais soka bengi nga biso to ko yeba nini ko na ko ko sala pour yi aya moka mo yeba ki paye e ko za la ti. OK. Vous comprenez? Moto pas à un niveau étranger, a mon ke document na yezo compliqué. Il fallait que na za na document na ngai do bana ya poto na beti ja 30 ans mais na za na document. Ndina zuli baka ola na serpent donc si kana contacter serpent na benga ya sai langa makambo pona document na ngeza jana bate bele bazuli jaba document ona sai sali ba makambo na bango ba basi sali sali ba problème na ngwe ba porter monnaie de porter monnaie ninge za ndingwa na ndeti o ngana sali za na sacrifice makila ke le temps pena ngwe de kota sacrifice makila ke. Voilà, il suffit que yo oko ça ka droit et matériel na yo les fils que soge sengi ka côté matériel no musala o yo les sengi 1 dollar c'est qu'il faut ça prendre les charges à 1 dollar. Après qu'on s'est sur ça, le résultat, et bon, on doit foutre un bon on a fait ça. On a vivre en n'a esprit un bon côté du bon son. Musala après Musala, et bon, on doit foutre un bon on a air pour comment un résultat na yo oyo yi. Alors, en 999, tous les années, on a fait ça comme ça, sous diabète, kindoki, sida, kindoki, tibère, amikoua, kindoki, cancer, maladie, on a fait ça au niveau ancestral. Il y a biso, il y a baïne. Mais maître, c'est pas mon idée que non, c'est que tout bon. Tout mes capes que considérer en que non, tout ce que nous sommes au yo mes capes que c'était les bisous à au salon. Tout bien, on a dit que nous sommes au salon. On a dit déjà dans la carte de l'Ibota, mais on a dit que nous sommes au salon. De yo kozate été motomoko esprit moko boye ko utina so kote na ngwana oyé ko oya ko meka na famille na ngase ko oya ko ta dikunzi ya nyoka eza déjà wana pour so zui venant ko so tambo. Okay. Ko so tambo la te so zui venant de yo mo na ye place ou na ye ko meka fallait pas ni na ya. Mais lelo spiritualité oyo bolo ba c'est comme si est-ce que tu as eu au moins travaillé pe na ba tu keno travaille puis peut-être na mon tout mon boy ça peut renommer au travail peut-être na musicien na pasteur na joueur tu vois au moins travailler puis na ba tu oh il va résultat na yo na travailler na ba musicien et belé il y a beaucoup de biseau ya Congo na ni sous pays bazar puis qui est libanda on va contacter à certains pour na la déplacer va trop na voyage à car na kenda do ba bing ça nga trop ok de nazar mon tout mon boy ya gosai la musala ou ya busolo mon tout amoni résultat na habité famille n'anga sous la niveau États-Unis foya famille n'anga zabo ebo foya pour ça une format des singa passeport mon tout ça c'est n'anga kenya il va compte bancaire mon tout n'anga des sous à partir à ba donc dès que n'anga ici musala yo zala niveau à pays étranger au tinda qui m'ont matériel musala ici lui déjà pour ça ni kenya mettre une photo de vie encore compte sur les côtés, on a voyé bâcler mon côté. Donc, on a dit qu'on a dans la logique, on a qu'on a partout où bateau bien ça. Si quoi, dès que bateau travaille na bango, bah résultat ni bango bah lobby na yo, bah résultat ni peut-être bango bah joie na haut, peut-être bayer na. Et là, on a les bosso, et au total, on a un miracle où il salamaki il y a le 28 octobre, miracle où il salamaki le 29 octobre, un miracle où il salamaki le 30 octobre. Donc, Nazaraki compte na kati ya musicien na biso boye bien monene oyo a contacté ngai pour ma kambo stade des martyrs le moment monene ba miracle et salamé na kati ya stade des martyrs to blokai quand même mbula parce que mbula oyo il nga konoka samedi ya ngwe pa ka vendredi ok oyo il ngi konoka vendredi samedi to pousa ke ngwe ke ndagi dimanche ok j'espère batnos ba monaki ba miracle et salamé na niveau stade des martyrs parce que ce moment déjà par cancer le bini est bloqué sans ça le sans ça sous na et l'eau comme sous terre comme ça là voilà bien un dieu de na dieu de soleil voilà na dieu de soleil voilà yende mutunda ko yebisa biso ke na biso ba magicien le lombule konoka le lombule konoka te donc yeba déjà que ah tout à la bon le 25 décembre muta ko bete za yiriche watana merci na ndenge ba contacter ki déjà watana be na za wana na yebi ti déjà ba le 23 le 24 nous a déjà na kata ki chasa ko yo yebi ngana mais avant s'il vous plaît avant de commencer na ba le 25 wana ya héritier tant volobi ke no bo sala ki ba miracle pour que le 29 maman mbwe le ka bien si ka vous avez parmi bato bo sala ki ke no bato ba kou fa pe le 29 wana après concert fallait bien le bolia ki bato wana bon kolia c'est trop dire parce que ngana ko ka kolia bato ke ngana kulia mtu na kokakati poso na lubina deja mtu saki na za facilita opisa mtu liboma na za facilita obwa kila mtu maladi le ngana za wana ka pona kolungula pe pona kosunga bato nyoso tu bazana pasi peut-être na kokiko lo bana mboka na biso parce que kongo to souffrir to souffrir makasi ya makasi penda ke kongo voilà to souffrir pe na makasi ok alors faut voyer ba qui place au monique souffrance on a pas mais non mais la landa qui sert pas la télévision nini il faut na ça tu n'as contacté na sert pas peut-être à repasser ma porte monnaie pour tout monde ngeza sacrifice les sacrifices bon côté bateau ne surtout bazalai que ba kufa ina na stade mais ba kufa ina kata stade ba kufa la ngende libanda stade okay. Et tout fumane mte bomaki bango et yango ne tozo laksa ke biso musala na biso to sali et kenda ki na niveau ya sacrifice te biso musala o biso to sala ki ezalaki kaka ke to tundi sabat batu ba ya ba yoka musique c'est ça yango ba siko ndenge botondi saki bato na sacrifice nini pesa maki po bato na bato na parce que dans toute chose au moins ils ont la peine à sacrifice nango un sacrifice nini pesa maki po résultat na ipe et ça la ma bien bon sacrifice o ezali ke et pesa maki na kati place ça na nous premièrement ils ont le musala faut oui bana musala dès que zo sala musala on te si confiance na musala na yo ou lingi na musala na yo résultat ni yo surtout o yo za nango ko ça c'est ko zo ya ngo voilà vous comprenez dès un niveau stade wana neti ne auti ko lo babo biso pa na biso sacrifice na kila ezala nous sommes tali na kata stade yo mo ko mona na kata stade ba téléphone ezala ke bele bele soki bato akufa na kata stade to ngato mona ba image mais ba image obino bomoni bomona ke ngonde ya libanda pourquoi quoi le sacrifice oyoyo elekela ki wana elekela ki na ni pa libanda parce que ezala ka ngamoko te mundu na travaya ki to ezala ki elongo to ezala ki bele mais yo soko la saka force na mutu na mutu ba kabon le classe na ye yo za la première za na première yo za la ka pona boye yo za la ka pona boye yo za la ka pona boye mais to tika ki penza mbete bengisa ki pe ya biso ba bengisa ki pe ya bango pe denilès sala ki wana malgré denilès c'est ce qu'on tourne c'est pas moi ebike qui est ce type là denilès ça ebike qui est serpa aibi on ngeni a yebi qui est serpa do aibi aussi ko ngeni ni bo coopera na ye bo traiter na ye bo eba ni ngeni biso to linga ka koloba oyo yo peut-être que mutu a sala ki ok on comprend ya on est to linga ande koloba denilès na pe so ba mbote belé mais déjà confiance au pe sa ranyoka na makambo na onyo surtout Mais ça bien que Kende ba osimba ote au bangaka. Mais ba simba ba monaki yo, la ko kay ko simba ote pour de bon ça qui déjà image wana. Do bateau nyo sont ba zalaki na niveau ya poto pour na ba ngai ba beta denilis, et za ba mo ba comprendre ki te ni na ngai sala ki to beta sou denilis. Et ta ki ba zalaki na kando mais biso ba oyu ba ser pato zalaki na kata labo pour na ko travailler. Moto nyo sont ba monika mise senga fona ki poto na ki na ba nananga ba ko beta nga ko za la doute te. Contactez ser quoi. Plus 243 84 68 21 006. Voilà les numéros. C'est obligatoirement les sur la boîte sur numéro à travers mais alors en dehors de l'église, on peut ça sous pasteur ni mode. Non non, pasteur bon après ici bateau qu'un église. Donc une église pour moi mon ensemble là. Nous avons une église de noir. Nous avons une église. Bon, malgré que ngana côté ngana ndimela ka j'hésite hein. Moi je crois beaucoup à Simo Kimbangu parce que ngana za muto ya mwindo. Nina za mwindo. Donc Simo Kimbangu yende mutasala ba miracle oyoyo lelo oyo ngana yi place ba miracle wane za ofu mo Kimbangu ya sala. Voilà. O Jésus sala ngana tika na ko mona ote c'est pour cela que na kwa mingi na yeki na kinda ka mingi na prophète o itanga mingi Simo Kimbangu mais yé moko l'éternel de Nzambe yende papa na biso. De biso nyo surtout na kata mokili ezala ke ba maître o biso to adoraka. Nzambe mutasala ba. De topic ça va toquer l'église dit mais le pasteur va y arriver. Il y a un lobby en dehors de l'église. Est-ce que ça peut être le pasteur monsieur yo copiera na bango pour ça il s'appelle bango pour pesa na pe makambo on va pesa yo pour pesa bango. Oui, ça est belé. Pourquoi ndemo autant tant ba kombo bango ça était pour le moment tous la bisson ba bi de confiance na bango tous la bisson bien tous traiter bien bango est tout bazar bango bien. Ça peut na bakti c'est comme dire j'étais sali mon vieux vie de loin. En tout cas, merci mon vieux. Donc la zone de bakti c'est comme dire ubayak. Yom to simba. L'artiste et comédien ou bayaka, bah musicien peut bayaka. Je suis ma vie de loin. Bon, Naza, je te salue en tout cas. Okay. Je te salue à passant. Naza, Nakata Kinshasa, j'espère si Dieu le veut, tout le monde en a avant qu'il gagne la zone en bois. Pourquoi avant de la nuit? Pourquoi? De la zone côte à Pélagi, Chassa, la zone côte à la côte à la bango, et la zone dans le village, la zone en aïe. Nébino Bouyibou, vous continuez. Tiens, vous avez mon voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre plateau, tous en invité, Oyo Azali, maître spirituel, maître serpent, pour comprendre déjà comment il est en train de définir Makambo Oye Asalaka. Mais les lobes, tu peux pas tout ça, m'a fait mine de Konongaï. Tu peux taper moi le solo, moi rapide, après tu peux taper le mamou. Je ne suis pas lobby, Congola Zokoufa, Rwanda Zozoa Congo, Est Bitumba Lelo chaque jour. Bazoko kakosala makambu te, onga imajusia, onga inani. Kuna na este, bo sale loko te, bo kende te, bo zoko kukalme loko mwako te. Me, puna mboka na bino mwako kukakosala te. Siko nenge nini, bino bo umu na makambu ya este wana. Bo, makamba este, mkunda mboka yi mwako kukangote. Fo, inyo mwako bo yangonde mte kusala force. Alors, uwe tanga mike kote ya biso ba batu to zake ba batu ancestral. Tout le monde qui va mettre ma spirituelle, il y a une faute de l'histoire. Ok. La paix, c'est la confiance dans le chef coutumier. Ok, chef coutumier, il y a un peu de temps pour que tu te rappelles, il faut contacter. Mais vu que le chef coutumier a un esprit à mon goût, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il ne sert pas, peut-être, il ne sert pas à 200 000 dollars, 300 000 dollars. Ok, il y a un monde. Il y a 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars. Et il y a un monde. Si vous avez un peu de temps, vous contactez pour que vous soyez un bon monde. Vous comprenez? Mais ce qu'on dit, pour contacter Bissot, il y a un des appâts. Moi, je suis même à Erosé, je suis à Ming, je suis à Ming. Voilà. Erosé, c'est trop connu. Chef Koutime, je suis à Ming, je suis à Ming. Et vous avez une discussion, peut-être, vous avez une discussion, vous avez une discussion, vous avez une discussion, vous avez une discussion, vous avez une discussion, parce que vous avez une discussion, vous avez une discussion, vous avez une voilà. Je suis Siliki, je suis un peu plus de Siliki. Je suis Siliki, je suis remarqué que je suis un peu plus de Siliki. Donc, il faut que vous soyez un peu plus de Siliki. Il faut que ça soit pour éliminer ce qui est dégâts. Et il y a des choses. C'est que le chef Koutimé, vous contactez Bissot aujourd'hui. C'est pas. Le chef Koutimé, l'équipe a la force. Le chef Koutimé, vous avez la force. Parce que Koutim n'a bien sur là, c'est lui le chef, c'est lui qui a fait ça. Il y a la science moko. Il y a la science qui a fait ça. Il y a aussi la science moko. Il y a la science qui a fait ça. Il y a 999, il y a 666. Vous comprenez? Il y a aussi la science moko. Il y a 999, 666. Parce que le chef Koutim a fait ça. Fouti, chef Fouti, non, on peut s'en porter mon idée. On voit qu'on va mettre spirituel, on peut qu'il y ait un travail. Il y a un autre banquier, bateau, on sort tout, les cas quelque part, on va solution la banque. Serpent, yéyo. Serpent, yéyo, vous contactez Serpent, vous allez décider, on va faire un sort tout, on va faire un sort tout, on va faire un sort tout, on va faire un sort tout, on va faire un sort tout, on soulève les points mon rentrée nécessaire il y a porte-monnaie et ça la m'a rendu ni ma porte-monnaie parce que moi une fois j'ai reçu dans mon plateau ici na yamba qui pasteur mon ko ah le bail que non c'est faux et archi faux on va porte-monnaie magique porte-monnaie et ça la m'a le coup existe en monter alors comment ça se passe avec ma ma porte-monnaie wana bien moi qu'on a nous pasteur azo ya basa les porte-monnaie ni bosso ya plateau a luka ka wanga na yango ba porte-monnaie tout ça la porte-monnaie tout ça la porte-fait la porte-monnaie du bonheur. Vous avez une valise magique, une mallette magique, où vous allez que vous avez 50 millions de dollars. De ça, vous allez, ça qui magique, vous allez. Donc, nous sommes allés. Pasteur, vous avez un pasteur. Pasteur, il y a un pasteur. Mais pasteur, vous avez un salaire dans Zambé, non? Vous avez un salaire dans Zambé, vous avez un salaire dans Zambé. Vous avez un salaire dans Zambé, vous avez un salaire dans Zambé. Vous avez un salaire dans Zambé. Vous avez un salaire dans l'église, vous avez un salaire dans Zambé. Répondez-moi. Kunanga ineti bonene nazala nga musika bu. Nga musika mutazala pe étranger, asa sudi wapi wapi kozala posa porte-monnaie magique. Yo kuna ko se déplacer na yote. Yo okosoma nonga ka porte-monnaie ya sika o nene kote loko moko te na kati. OK. Nga ide ke na kouta kosoma loko na ya musala na wena ko ta tampe na bengi yo. To sa ino musala appel. Nga sala ba te kote, nga sala musala na sa ile video na tinde lyote. Wa batalo kutani na sala ni nga sala na musala appel video sur place ozomona makamne sezo sala na effet ozo sala na kata porte mine après quelque temps commencer nga ye pesa mama pesa mwana pesa mabota na yo temple na nga ba ki deja la débit pesa la sacrifice te boso ba lobi ke pesa mama pesa papa pesa bana bana ba olia mbongo yo ko okay muta zata olia mbongo o moni ke olia mbongo na yo moko lele etoni o sala faut le cas famille de mon faut balier mon mongo faut dire à mon mingi na famille voilà pour battre les bandes à bango et bago ou yo rose à la quai au belly mouta les bandes à quoi au rang de roi visite mais elle vous a la scène n'aimait tout payer mon erreur à la longue la terre mais famille déjà qui n'a l'air déjà mon ya moi en abysso quel que soit malade en moyenne n'aimait à cause à la de folie en bon mais si comme maître tant vous allez que non mouta zali exemple tout pis samedi et c'est vraiment mouta zana singapour ah singapour aussi kakuna. Il y a des difficultés administratives, il y a des difficultés peut-être, il y a des difficultés, il y a des Mikanda, il y a des Misala et tout. Il y a des difficultés dans le Congo. Il y a des difficultés, comment ça va se faire pour que le Congo ne connaît pas la solution? Bon, je suis à Singapour, je suis à Japon, je suis à Japon. Je suis à Japon, je suis à Japon. Pour le Japon, je suis à Japon, je suis à Japon. Vous comprenez? Donc, pendant que na benga ngweza ni kabu moko bo uyu tata nzambe ya changa na prophet simo kimbango uyu basimba kangai okay ezali kabu moko bo yoyeba kusunga kabu uzala bezo ya tir client na terrasse na yo e hotel na yo uzao na flat moko boye uzala bezo ke foko benda ka ba client ba ya ka tu restaurant donc partout contacter serpent uzo solution ba client na uzala duti moko te uzala peut-être la cancer uzala diabète ya kinduki sida ya kinduki po sida oyo nzambe a pesi yo etumbu nga se pona ko kolonga ngo te okay oyo kene na kindumba na yo ke ozwi sida nga na ko kolonga ngo te mais sida o ezali ke ya ko bwa ke la ba bwa ke li yo yango ezwi yo lokola ni ba bwa ke la pe mutu sida si le ka bwa ke la batu mpese o bwa ke le mutu mbasu o bwa ke donc ezali ngwana bata mitema mabe ba makasi tro donc ezala facilité a bwa ke lope maladi mongo oyo ko derange fina au moins ne reste o za mayele te ikumbi o pe mbala moko na liwa ekoza pe famille mongo boye boye ba rate. Il y a des gens qui ont tu es baraté nan ou an alia kabatouan. Contactez serpent. On vous a solution y a libota la binoana. Mais kimia et kokota na kata famille la binoana. Mais vous en maille là. Autre la moi mon koboye. Y'a faux moi. Moi oyo. Ceux qui pendent que aux hommes on a déjà que famille la bino tous à la kabouille tous à la boue. Banda déjà vous raisonnez que ah, n'est tous à moi vous confanez déjà. N'a pas fait tout au risque de peu bakolia. Mais vous contactez déjà serpent. S'il vous plaît serpent. Tout ça déjà na mois en novembre. Tous au kende bientôt na décembre. Pour que notre côté année à 2023. Déjà lobby moi oh en novembre. Oh, c'est l'inini, c'est moi en dingini. Mois de novembre, okay. Mois de décembre, yangwana ke batu bazali ke ba se prépare kana kata famille ki ndoki ya kolia kongo ba ki na zan ndoki mais ya kolia ti ya kosunga pe ya kosali sa pe batu pe ya kosunga pe famille nanga yo ko ya boyo ko tala libota na moko ka ezati mais famille na yo ezana ki ndoki moko boya makasi bali akabino peut-être ba wela ka lupango moko boya papa la bino atika famille lukakani to yeba na ko zwa lupango wana mais bozo ko ko zwa lupango wana te moko zana ka ya ndoki ya kolikani na talibwa mwana grand na yo wana te ti tro na longolena. Mais si on déjà un serpent, on contacte déjà un serpent, bah, on va déjà protéger déjà les bottes à la vie. Surtout, il y a un écoute à ma tête, ça la mêle à yo. Ça va se dire que vous pouvez la route. Mais si tu vas aller, que non, gaza pour ça, mobile nangaï, azong nangaï, azala yanga moko, tout moi si yana, azala moi si nangaï moko, kobangate, contacte serpent. Nous surtout aux résultats sur les sons. Mais quand nous surtout aux yeux à l'angoisse. Pour les serpents. Serpent, donc, rappel, ma mouche, c'est ça la marque. Moi, la moi si on a pas soukolaïe. Garçon ana basukola ye yango akoma bo yakoma kozwa basi yakoma kozwa mibali yango akoma kozwa mbongo yo sukola kape bato ko sukola ana ngai pa na ngai na ko sukola ni na musika. Ok, na salo lava spirituel ngana benga za lava spirituel na ko sukola na musika. Mais o ezali ke wira temple peut-être que na sukola yo na sukola nde na sukola surtout moi la moi. Dans ce monde, il n'y a pas de temple. Il y a un temple, soit il y a un temple. Il y a un musicien qui a dirigé le Kende Somba Mai. Kende a une place à Loka Bukoko. Kende Somba Boy, Sala Boy, Sala Boy, Sala Boy. Tchana Mai. Kende qui est le Mai. C'est tout le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le Ok, miracle, bon pas miracle, démonstration mon boy keno lenge to monaka l'autre fois mutu mon boy a bongolaka ma bache maika na baseka boy a bimisi mbongo. Est-ce que ça la rappelle pas démonstration même tout ça? Est-ce que joueur ou habita ka badada ma kasi libanda no boko tchaye pe na terre moi pourquoi kobeta balle les ateliers démonstration za nango musalati démonstration ko sa manango pourquoi qui bah téléspectateurs ne soient comprendre que wana za place za serpent de mutunyo surtout ou ya ko ya o tibet diabète nyoso contacter serpent la piste 243 84 68 21 006 wana za serpent yimo ko na kanga téléphone na ngati na kima ape ko yamba appel ya mututi. Donc er nyoso ko bien sauf le baké so na za temps tenir cha téléphone na silencier to na vibrer so na travail so na si musala bon na za téléphone na bandi ko rappeler batu oyo yo basala ki nga sin les abate bele déjà ba Congo Brazzaville de partout batu bazui déjà ba solution parce déjà ba solution démonstration les musala te na to lo ba to sala o ba to comprendre que c'est pas ça nan ah. Voilà, vous nous suivez, juste tout le monde a démonstration ligne. Oyo, on a vu ça, invité à Chambou, on a vu ça, on a vu ça, tout le monde a déjà vu ça, on a vu ça, cigarette, a vu ça, allumette. Tout le monde a dit, bon, on a eu une bouteille en maille, Suista, pour ne pas faire la publicité, Suista. Amélie Maï, il a bu de l'eau. Nous sommes en train d'assister, bien évidemment, tout le monde, le dernier fils qui a marqué. Tout le monde a eu une bouteille en maille, tout le monde a eu une cigarette. À bois qui m'ont à ma donnée, mais si ça tient à mon occasion à tout naïe, lui a libé à cigarette. Ah, mini n'angonde et qui me s'habille sur toi, j'espère. Rien. Ah, ok. Voilà. tout le temps là. Donc, cigarette, bah, fume à Rayango, mais lui, il a mangé ça. Je sais que non, cigarette, bah, fume à Cap. Et lui, il a mangé ça, allumé, et puis, à Tchéango, là, mon encore, à Zota Fuma. Là, mon sou, et ça, là, ma belle, bien aimé, pour manger mon nom. Donc, ça va démonstration, oh, toujours assister, toujours là, toujours mon nom. Toujours là, toujours mon nom. Qui m'a été pour battre bas le bas haut de salut mon père, qui m'a été pour la salle. Je profite pour dire saluer toutes ces personnes qui nous suivent à l'instant, s'il vous plaît, pour la récupérer. Ok. Voilà. Bien aimé, tu es un billet de $100. Un billet de $100. Voilà. Oh là là là là là là là là là là là là. En un coup d'œil, en un coup d'œil. Ça là, parfois il vaut $100. Il y a $100. Bien sûr, il y a des locataires dans un cirque place, dans un plateau, il a déplacé. Il y a salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une salle où il y a une Oyo bambo biso tozo kala kata ba banque na biso parce que tozala ba politiciens na biso bazozo mbongo ya makasi me bazoko ko sunga population te okomona e politicien a cause la compte na ye $200,000 $300,000 ya nini zo mbongo na cha yango ata la trésor public to progresser ka meme na vie na biso yango monike mutu nesto waya ko luka portemonnaie na biso tozo ka mbongo na banque nemu tozo kala donc ça sali boyi e uti bosana ba banque na banque. Banque, banque, normalement, tu as bon, bien, mais Donc, le moto est un peu plus fort que le monde. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en. Donc, quand on a une démonstration, on est capable de remplir ma porte-monnaie. Oui, oui, oui, porte-monnaie. Toujours, quand on a un compte, on a un compte, on a porte-monnaie. Tu as une banque. Ok. La banque est là. Tu as une serpent. Tu as une banque. Ça, il y a un hôpital, une école, une orphelina. Donc, tu as une banque. Tu as une banque. Tu as une banque. Tu as une banque. Tu as une banque. Nous avons appelé opportunité, na facilité, na courage à vos téléphones. Il y a que benga sert pas. Pourquoi pas bako qu'on a eu au yo prière à tout ou bako fa déjà basala pour nous. Non mais relation il y a bas vivant na bas mort ils allaient rater. Ils allaient quoi? Il va causer bon. Relation avec la vivant. Au moment où il y a technologie quand des œufs volés, la science, la vie solide, ok, nous poussons à la mousse. Quand on parle là-bas, ah, mais maintenant que le tic a habité, bien là-bas cimetière, là-bas douze, au bout de moment, dans cimetière, bien en terre sainte. Quand on a les conférences, on a là dans le cimetière, qu'est-ce qu'il y a là l'église? Ah. Là l'église pour le gesan. Là où là dans le cimetière. Parce que bah ah naïe. Vas-y, vas-y. Ah, serpent. En tout cas, force pour la nzambe ndenga pesa bino serpent na kata Congo, serpent zo sunga, azo sala presque au nyoso tout bato bazo senga e, baza déjà la solution là bon. Que question le kai quelque part, au moni déjà que pour na basa ele ko musala malunga ti. Que muto alenga bambongo, muto ana ko banga te contacter serpent aux solution non. Quand même quand sombi ça déjà porte monnaie, ko bwa ka yango te tika yango ezala wana. Yo contacter serpent aux solution ma kamunes to yo zango. Voilà, lentement, sûrement, déjà, nous partons vers la fin de notre émission Serpent. Tomoni, vraiment, démonstration Oyosali. Je pense que, je vous dis sincèrement, montage et salamité, je vis depuis qu'à Rabandaï, au cas de la cigarette, dans Ali Kolobama, dans Ali Kosala, jusqu'à ce qu'il a sorti son argent, la carte, il y a mon Okonaï, et Ali Mama, Okam, Oyosala. Et aujourd'hui, le mot, c'est quoi, la relation, Nini, Oyobino, la Bino, va mettre le spirituel, Bozala, Ranango, parce que les lots, en dehors de Yo, na yambape moi et bele. Bosa na ba relation nini entre bino na bino boye bana ka boyoka na ka ezala ndenge nini. Bon to ye bana raté hein. To ye bana raté. Leti buta la place boye. OK. Beaucoup tinga mokoti. Na va na nga na zo se contempler ka za malanga na otala ka ba manioko na nga ike manioko ere zo kola na ko bimisonga ta moi wi sa ki afofe ki ta Kinshasa. OK. Bo ba madesu oyo ba ngubo to londa ba wando yo. Mudia na mono village wangi na. Mono ki kalanga ko ki tsasa ko. Beno vota yantsikila mono ki tsasa ki kalanga. Ki kalanga ko ki tsasa ko. Lutomatala kibene mudi amule ku kare mingina yao. Lo bango pena ninga. Antuka kare mingina yao lutala kibene. Sisi din tsuki. Lumbu kwani kai zenga tsuki. Lumbu mizi se ubula ku stade de Marti. Do jour na okata tsuki. Jo bas ba mizi se nso ba si sa obeta na stade de Marti. Na zula bango ba solution na bango. Ah nga ser pa. C'est que na comprendre que non, il faut to songela o lisu pour ko beta li soro ya hériter le 25 décembre na stade de Marti. Eza problème ité. Eza problème ité nga na zali. Eza la ko benga sanga na kichasa na ko. Donga so bengi singa na koyana ngai. Ato yelo bika ah c'est pas mina za bo na za kata Dubai. Na posa posa la nga musala mais ah na zomoni tamo zo opportunité ko yati. Oh. Papa zo charge ka na yino. OK. Zo no charge ko nganyo so tu déjà zali ba visa e kota kota déjà la kota. Mais ce qui est pas sûr que non pour na pe o sala au traité na mutu. Vous appelez obligatoire, vous appelez pas obligé à ko kuta na te atana musika na distance. Na musika, na sala na musika. Ona na kenda États-Unis, te Europe na kenda te. Mais partout, il y a des cas d'Europe, des cas des États-Unis. Donc, il y a déjà des solutions. Il y a des contacts. Il y a déjà des solutions. Je vis bien, je vis beaucoup de gens qui sont bien. Je vis bien, je vis bien pour que je ne paye pas. Donc, jamais, je ne vais pas me faire 50$, 100$, 10$. Mais souffrance, c'est que je ne vais pas me faire un peu. Parfois, ça a été porté. Pour moi, 10$, je vais contacter Serpent. Je vais me faire 1000$. Tu n'as rien dit de l'argent, on a mis mon. Et là, il n'a tangi sabana, ba neve, ba za ba tangi ça, madame Azali. Comment ni madame Mitz, comment ni banat. Serpent aux allées, monsieur, oh, na benga comme j'allais à suivre parce que nous allons encore revenir et pas nayo pour la combattre ma solo. Alors, je pense que maintenant. Tu n'as pas si regarder Ericha Kobeta pour déjà la za déjà contacté ça. Ericha Kobeta. Est-ce que maintenant vous confond? Bopé sa confiance c'est pas ya serpent. Panza mitu mais pas serpent. Bopé sa confiance c'est pas ya serpent. Ben oui, parce que ceux qui bazongi awa, si quoi yo yebi déjà village, yo yebi déjà plainte. Ouais. Osomo do c'est que fona sala musala nenge bakoko bazotinde la ngai na sala musala na prophète o ya biso bayino fumuki mbangu. Merci beaucoup. Ça pas te commis na souka, juste un dernier mot et puis na numéro na ya téléphone na ba tout baningo contacter. Dernier mot na ngai zakara ki bato nyoso tout ba zuli baku ya kolanda chaîne na biso. Oyo nyoso za na opportunité peut-être recontacter serpent azana doute té. Voilà. Abanga na eto té ndenge za ndenge té azana doute té. A contacter serpent nyoso oyé akoluka. Akozila ngo solution na. Donaza wana porte-monnaie magique. Valise magique, donc étant donné que les camambons, c'est pas ça, on a coupé ça ou y'a un. Merci en tout cas. Ça a été pour moi un grand plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout à travers le monde. Je vous avais dit au début de cette émission que la personne qui nous a assisté aussi, derrière la caméra, lui, c'est bien aimé, nous sommes les derniers fils de Mercure. Merci à Batounio, Oyo, Basuil, Soudi, Bakoun, Soussou, Yaropi, sa confiance et opportunité. Nous sommes dans la nouvelle tendance et les vidéos qui sont dans toute info. Vous continuez à vous abonner massivement, renouveler le temps de votre confiance. Vous pouvez s'abuser toujours. Chance n'est pas encore. Quant à moi, je vous dis, et continuez à vous abonner, continuez à partager nos vidéos, et suivez-moi toujours ici, dans une même, dans une autre émission, toujours la catastrophe de l'émission. Au revoir, à la prochaine. Je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.